forget your courage, but it's time to lay down your arms. Merde! Chargez! Depuis trop longtemps, nous sommes des victimes. Des mois.